Schnaps. Mister, riez fort. Les cris de guerre. 7-7-8-9-3-8-9-100. C'est cette nuit-là que tout commence. 4 soldats apparaissent pour les meutes. À allier leurs forces sur le terrain, quitte à ramper entre les nôtres. Une odeur macabre se glisse dans mes narines. Le sang des frères va-t-il couler ou pas sous le tir des marines? C'est les gens, des combattants, l'hymne qui rendra la prod publiable. Ce n'est pas un son, mais un phénomène publiable. Il fait noir et je vois une ombre pas à sa place. Frère d'armes, c'est la mort qui vient sur moi, pas à pas. Va descendre dans les tranchées, traverser les marécages. Je me dois de rester humble, concentré, vaillant et sage. J'ai vu des signes dans les nuages, ils m'ont conduit jusqu'en carnage. J'ai dessiné un massacre, le fusil armé de fâche. J'ai achevé des ennemis, je me suis battu pour ma patrie. J'ai pas que peur à ma parka. Fais 9 piges que je le pratique. S'il faut kick, je le ferai. S'il faut tirer, j'appuierai. 14-18, au bout d'un titre, on veut te faire capituler. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7h du matin, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. Bilan, 7 morts dont 5 Européens. Ok, je t'explique. 25 grammes dans chaque rétine, la routine nous pousse à bout et c'est pour ça que les frères rétinent. Je suis réticent quand je vois l'austérité face à ma médisance, mais soi-disant, 14-18, j'instaure la résistance. Pose la baïonnette, j'équipe mon Glock juste en quelques clics. Ma détermination parle à mon bloc qui gradue la rythmique. Bastons dans le chargeur, anormalement calibré. Ta fale à calabresse, l'instru est loin de se faire caliner. Il faut pec sur le champ de bataille, prêt à partir au front. Le sang et le temps s'écoule autant que ses gouttes sur mon front. Choque l'adversaire, en guerre à chaque versé. Dans le rap ou en plein cœur, c'est en plein dedans qu'il faudra percer. J'avance, mais j'ai l'impression d'approcher au bord du gouffre. Ma vie tient sur une corde, mais accrochée autour du cou. Je vois des corps qui tombent dans ce décor si sombre. On lâche pas, on porte nos couilles et ça même s'ils sont nombreux. Tout est calme, et le feu couve dans les cœurs et dans les âmes. Quelque part, un poète traduit à sa manière son inquiétude, sa révolte et celle de ses frères. C'est en fermant les yeux, puis en les rouvrant que je me suis aperçu qu'au front entre les tirs j'étais en train de gratter mes mesures. Les ennemis tombent, la tranchée est pleine de sang. Donc fallait que je prenne la plume pour vous dire dans quoi peine le sang. Je sens que la guerre est déclarée, j'ai préparé ce texte à l'endroit où nous sommes égarés. Il paraît que je gratte sans crainte, sans peur, jusqu'à ce que cette balle me perfore en plein cœur. Nos centurons qui t'ont employé des méthodes satiriques. Ça t'arrête quand sur ta peau fusent des coups de ceinturons. Sont tarés, rien qu'avec nos plumes on vole les artéries. Des soldats guéris qui font leur job et tapent des parteries. Top départ au kick, on va plaider l'hystérie verbale. Y'a Mista la clique, le son te laisse des hématomes verdâtres. Notre zik, on la défendra jusqu'à ce que la paix sonne. Territoire hostile, les insurgés noyés dans l'acétone. Les guerres reposaient sur une lutte de pouvoir entre les responsables politiques. Ceux-ci ont constitué des milices composées la plupart du temps d'hommes de la rue, sans expérience militaire. J'ai de la gadoue sur le visage, j'apporte la mort sur mille verdoux. Lorsque j'écoute la voix des sages, quand mes démons les braquent au fer. Mes cicatrices souffrent, l'instru s'immacule de mon sang. Aborder des mots sombres comme ma pauvre condamnée innocent. SENS, secteur, marne et scène, collision. Les tripes grandes ouvertes d'une grande maca pour la cohésion. Laisse un blanc. J'ai la vision d'un mort, de ses souffrances et du bonheur. Toujours précis quand je vise la tête ou quand j'écris sur ma feuille. Pas du jour à me cacher, non, mais plutôt à trouver la faille. Même si j'ai failli perdre la vie plus d'une fois dans ce combat, je maintiens le rythme, les balles et les faces. Bon bah, je rappe ma façon de voir à travers toutes ces choses immondes. On rêve d'un joli monde, mais dur quand la haine nous inonde. Écoute, je dirai, fusil à l'épaule, j'ai pas le choix, j'y vais. Toujours découpe les frais, donc t'étonne pas si je suis parfois givré. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on verse trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus énorme incendie.